Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, ce qui a changé au 1er mars 2023. Tout d'abord, le démarchage téléphonique est désormais limité. En effet, ce démarchage à n'importe quelle heure et n'importe quand est désormais fini. Depuis le 1er mars, celui-ci est interdit le week-end et les jours fériés, ainsi qu'en soirée. Des plages horaires précises ont été définies pour les démarcheurs, entre 10h et 13h et entre 14h et 20h. Ces nouvelles règles s'appliquent également aux personnes qui sont non inscrites sur la liste Bloctel. Par ailleurs, une personne ne pourra être sollicitée par téléphone plus de 4 fois par le même professionnel. La violation de ces règles pourra être sanctionnée d'une amende administrative d'un montant de 75 000 euros pour une personne physique et jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale. Ensuite, il y a également la fin de la prise en charge à 100% des tests Covid. En effet, un arrêté publié le mardi 28 février au Journal officiel prévoit un nouveau cadre pour la prise en charge des tests de dépistage du Covid-19. Depuis le 1er mars, ils ne sont plus remboursés à 100% par l'assurance maladie. Seuls les plus fragiles continuent à bénéficier de la prise en charge intégrale et ce, même en l'absence de prescription médicale. Le reste de la population bénéficie du système, du ticket modérateur classique et doit donc payer 30% du dépistage si le test est réalisé par un médecin ou un pharmacien. La majorité des complémentaires devraient néanmoins prendre en charge les frais restants. Actuellement, un test antigénique coûte 16,50 euros en pharmacie et un test PCR effectué dans un laboratoire environ 30 euros. Ensuite, il y a également la hausse du prix du tabac. Après 2 ans sans hausse, le prix du paquet de tabac a augmenté le 1er mars, suivant l'inflation générale des prix et une hausse de la fiscalité selon le gouvernement. Cette augmentation verra certains paquets de cigarettes passer au-dessus de la barre symbolique des 11 euros. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté lundi 26 septembre 2022 en Conseil des ministres, prévoyait de relever la fiscalité sur le tabac, faisant ainsi grimper le prix du paquet de 50 centimes en 2023 et de 35 centimes en 2024, selon Bercy. Ensuite, il y a une nouvelle hausse du taux d'usure. Et c'est le taux d'usure, soit le seuil maximal auquel les banques peuvent prêter de l'argent, poursuit sa remontée. Depuis le 1er mars, il passe de 3,79% à 4% pour les crédits immobiliers contractés sur 20 ans ou plus. Jusqu'ici, le taux d'usure, calculé par la Banque de France, était revu chaque trimestre. Il l'est désormais chaque mois depuis février et ce jusqu'en juillet 2023. Cette mesure dite temporaire, décidée par la Banque de France et Bercy à la demande de professionnels de l'immobilier, devrait accélérer légèrement le rythme de la hausse des taux des prêts immobiliers. Ensuite, concernant les transports, le dispositif rendez-vous permis permettant de prendre directement rendez-vous en ligne pour l'examen pratique du permis de conduire est enfin disponible dans tous les départements métropolitains et d'outre-mer depuis le 1er mars 2023. Ensuite, afin de compenser les perturbations dans les transports en commun et notamment en Île-de-France, tous les voyageurs d'Île-de-France détenteurs d'un forfait Navigo entre le mois de septembre et décembre 2022 peuvent demander le remboursement d'un demi-mois. Par ailleurs, les usagers de certains axes du RER bénéficient également d'un dédommagement allant d'un demi-mois à un mois complet du pass Navigo en raison, bien entendu, des retards subis au cours de l'année 2022. Nous verrons par la suite pour 2023. Enfin, pour terminer, le plafonnement des prix du carburant. En effet, le prix des carburants est désormais plafonné à 1,99€ le litre chez Total Energy, élargissant ainsi une mesure appliquée depuis le 25 février dernier sur les aires d'autoroute à l'ensemble des stations du groupe qui concentre environ un tiers des 10 000 stations du territoire. Ce plafonnement s'applique sur les carburants essence et diesel. Il exclut néanmoins les produits haut de gamme Excellium diesel et Samplon 98. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.